Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus bon que ton. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton salon et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus. Les pensées de mon cœur dans le cœur de tes doigts. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus grand que ton nom. Rien n'est plus simple que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Précieux auditeurs, peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler du réveil merveilleux qui a lieu ici au Kenya depuis près de 15 ans. Le Seigneur réveille tellement de gens. Près de la moitié du pays a reçu le Seigneur. Et nous voyons Dieu se manifester de tellement de manières depuis 15 ans. Dieu, le Dieu Tout-Puissant, a envoyé un prophète dans ce pays pour nous préparer tous à la venue du Seigneur Jésus, un événement que nous savons être de plus en plus proche. Grâce à son ministère et à ce que notre Seigneur Jésus et ensuite le Saint-Esprit dans la Bible nous ont enseigné, nous savons que notre Dieu est saint et qu'il nous veut saints. C'est important que nous revenions à l'évangile de la croix et du sang de Jésus. Dans les deux derniers versets de l'Ancien Testament, Dieu nous promet d'envoyer Élie. Quand il dit « Je vous enverrai Élie avant que ne vienne le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. » Élie, le Tishbite, le prophète que nous trouvons dans 1 Rois, les chapitres 17, 18 et 19, où il dit au peuple d'Israël, jusqu'à quand? Dans 1 Rois, chapitre 18, verset 21, Élie dit, combien de temps hésiterez-vous entre les deux? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Et si c'est Baal, suivez-le. Élie devait ramener l'ordre dans le peuple d'Israël, ramener le Dieu Tout-Puissant parmi le peuple d'Israël. Et c'est parmi nous ce que l'homme de Dieu, le prophète le plus puissant du Seigneur, le prophète que le Dieu Tout-Puissant nous a promis, il ramène ce prophète, il ramène la croix et le sang de Jésus. Il ramène le seul évangile vrai de la parole. Et comme il est l'Élie promis par le Dieu Tout-Puissant, Élie qui est revenu parmi nous, comme ça a été le cas avec Jean-Baptiste, il appelle la pluie et la pluie vient instantanément. Le feu même descend des cieux. Vous pouvez voir les photos sur www.repente-et-prépare-le-chemin.org. Quand il prêche, le soleil applaudit. Le soleil qui applaudit lorsque l'homme de Dieu, le prophète le plus puissant, prêche. Je veux élever ma voix, je veux chanter. Digne est l'agneau. À mon Dieu, mon Sauveur, mon Seigneur et mon roi. Digne est l'agneau. Tous les hommes l'adorent et se prosternent pour chanter. Nous tes fils et tes filles, nous t'adorons et chantons. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, sur nous. Que ton esprit, papa, vienne visiter nos cœurs. Oui, il est digne, l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nous, pour notre pardon. Il est digne de recevoir honneur et gloire et majesté. Il a été le seul digne d'ouvrir les seaux du rouleau de Dieu. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 6, parle de ce rouleau. Je répète l'adresse du site pour que vous puissiez voir encore plus de ce ministère, que vous puissiez découvrir ce merveilleux ministère du Seigneur qui a été pleinement oint par le Dieu Tout-Puissant. Une onction plus grande encore que ce qui a existé dans la première Église, beaucoup plus grande. En un seul mot, repente et prépare le chemin.org. Comme le prophète Jean-Baptiste, de qui la parole de Dieu dit, selon l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 16, « Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu, avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes, et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. » Prêt pour le Seigneur. Voilà ce que l'homme de Dieu, le prophète le plus puissant, nous répète sans cesse. Préparez-vous, préparez le chemin du Seigneur. Repentez-vous, détournez-vous du péché, de l'immoralité sexuelle. Choisissez l'obéissance. Choisissez le chemin étroit, le seul chemin qui conduit au royaume de Dieu. Jésus dit dans Matthieu 5, 28, « Il vous a été dit, tu n'auras pas d'adultère, mais moi je vous dis, si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Est-ce que nous obéissons? Celui qui se met en colère contre son frère sera passible du jugement, j'ajoute, ou contre son mari. Est-ce que nous obéissons? Nous avons, dans l'Ancien Testament, beaucoup de fêtes où Dieu est intervenu, comme d'abord sa création, ou simplement par sa parole, il dit que la lumière soit et la lumière fut, ou bien Sodome et Gomorre, ou l'arche de Noé, ou la sortie d'Égypte. Et dans le Nouveau Testament, Pierre, dont son ombre seule suffisait à guérir, ou Paul, qui touchait un mouchoir et le mouchoir guérissait quelqu'un, ou Ananias et Saphira qui se permettent de mentir au Saint-Esprit, il meurt. Quand Paul écrit l'Épître aux Galates, il doit leur reprocher d'avoir abandonné le véritable évangile. Est-ce que nous, nous avons abandonné l'évangile véritable pour l'apostasie? Lisons ce que l'apôtre Paul écrit aux Galates, au chapitre 3, dès le verset 1. « Ô Galates insensés, qui vous a envoûtés ainsi? Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Je ne vous poserai qu'une seule question. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce parce que vous avez accompli la loi ou parce que vous avez accueilli la bonne nouvelle avec foi? Manquez-vous à ce point d'intelligence? Après avoir commencé par l'Esprit de Dieu, est-ce en comptant sur vos propres ressources que vous allez parvenir à la perfection? Avez-vous fait tant d'expériences pour rien? Si encore c'était pour rien. Voyons, lorsque Dieu vous donne son esprit et qu'il accomplit parmi vous des miracles, le fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous accueillez avec foi la bonne nouvelle que vous avez entendue? Déjà du temps de l'apôtre Paul, les chrétiens abandonnaient le seul évangile, l'évangile de la parole de Dieu. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, Père. Venir aux pieds de notre Seigneur. Sachons nous courber à ses pieds, nous agenouiller devant lui, pour lui demander pardon, non seulement pour nous-mêmes, d'abord pour nous-mêmes. Souvent, le monde est dans notre cœur. Demandons aussi pardon pour notre famille, nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, même nos arrière-arrière-grands-parents. Le Seigneur dit, je punirai jusqu'à la quatrième génération. Demandons aussi pardon pour ce qui se passe autour de nous. L'homosexualité, l'impurité sexuelle, les méchancetés. Dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, nous pouvons lire que le Dieu Tout-Puissant appuyait le témoignage de Jésus, de son Fils bien-aimé, de notre merveilleux Sauveur, Jésus-Christ, par des miracles et des prodiges. De même ici, le Père, le Dieu Tout-Puissant, appuie le témoignage de son serviteur bien-aimé, de son serviteur puissant, en lui accordant des miracles. Et il est arrivé une chose assez exceptionnelle. Un jeune homme qui, depuis 12 ans, avait une tumeur énorme à la tête. Une tumeur qu'on ne pouvait pas opérer. Une tumeur grosse comme une grosse mangue. Et ce jeune homme a senti le besoin d'écouter la radio. Il a un petit téléphone et il avait besoin de le recharger. Il est allé le charger et il a été poussé à aller chercher ce téléphone pour écouter. Et c'était juste un moment où l'homme de Dieu, le prophète le plus puissant du Seigneur, parlait. Il parlait pour annoncer qu'un service de guérison allait avoir lieu à Nakuru. Généralement, il parle par téléphone à cette radio et l'Église attend cet appel, réunie dans les stades du pays. La dernière fois, 87 stades étaient occupés à écouter la prière de l'homme de Dieu et des centaines de personnes ont été guéries. Simplement par téléphone, quand l'homme de Dieu a prié, tout en restant dans sa résidence à Nairobi, il décrète la guérison et l'Église réunie dans les stades du pays attend cette déclaration. Et tellement de malades sont guéris, des centaines, mais cette fois, le Seigneur a conduit qu'il y aurait un service de guérison à Nakuru. Et juste en ce moment, pendant que le puissant prophète du Seigneur annonçait ces dates du 16, 17 et 18, qu'allait être un service de guérison, juste en ce moment, ce jeune homme a été poussé à prendre son téléphone, à l'appuyer sur son oreille, déjà en partie envahie par cette énorme tumeur. Et juste en ce moment, l'homme de Dieu, le prophète le plus puissant, y parlait pour annoncer un service de guérison qui aura lieu les 16, 17 et 18 août à Nakuru, au Kenya. Et parce que c'était un peu difficile d'écouter, il y avait un bruit dans son téléphone, il a appuyé le téléphone sur l'oreille où était cette tumeur. Et pendant qu'il écoutait, tout à coup il a voulu gratter sa tête et il réalise que la tumeur n'était plus là. Il n'avait plus besoin de tourner autour de cette grosse boule, dure comme une pierre, quand il voulait atteindre certaines parties de sa tête. Et même il se regarde et il découvre un drôle de liquide épais et brunâtre et qui est là tombé de cette tumeur. Cette tumeur a éclaté. Cet homme a eu maintenant une opération sans douleur, sans anesthésie. Il n'a rien senti. Seulement, quand il a voulu se gratter, il a eu la surprise de réaliser que la tumeur n'y était plus. Il n'avait plus besoin de tourner autour pour atteindre certaines parties de sa tête. 12 ans de douleur. Chaque jour, il devait prendre des antidouleurs. Non seulement cette énorme boule était là, mais encore, elle le faisait souffrir. il devait calmer ses douleurs. Maintenant, il n'a plus besoin de prendre des analgésiques. La douleur n'est plus là. La tumeur de la taille d'une grosse mangue. Tous les voisins se réjouissent avec lui. Quand il voit que la tumeur n'est plus là, il avait porté son téléphone au village pour le faire recharger et il a été poussé à retourner le chercher pour écouter la radio. Cette radio où les prophètes les plus puissants du Seigneur parlaient juste en ce moment. Comme le son n'était pas très clair, il a appuyé le téléphone près de cette énorme tumeur sans se douter qu'un miracle allait se passer. Il allait perdre cette horrible tumeur. Donc, il applique le téléphone sur son oreille où était la tumeur, juste en dessus de cette oreille. Quand il a eu besoin de se gratter, il s'est aperçu que la tumeur n'était plus là. Comme un poids, il dit, c'est comme un poids de 90, de 100 kilos qui est sorti de moi. Cette tumeur était aussi dure qu'une pierre. Et tout à coup, ce jus, il voit ce jus épais et brun. Quel puissant, puissant et formidable miracle. Il est allé vers sa mère lui montrer ce miracle. Et tous ses voisins, ceux qui le connaissaient, ont pu voir, et c'était vraiment visible, le gros caillou n'était plus là. Et cette tumeur affectait tout son corps. Il ne pouvait rien porter sur ses épaules. Une tumeur cancéreuse. La tumeur couvrait même une partie de l'oreille. Un miracle de plus. Un miracle de plus par le ministère des deux merveilleux prophètes du Seigneur. Des deux prophètes les plus puissants du Seigneur. Ceux que Dieu approuve. Ce que Dieu a spécialement envoyé pour nous annoncer la venue du Seigneur Jésus. Cette venue pour chercher son Église sainte. Ce jour glorieux dont il est parlé dans Apocalypse 19, les versets 6 à 9 que je vous lis. Apocalypse 19, versets 6 à 9. Et j'entendis comme la voix d'une foule immense, semblable au bruit de grandes eaux et au grondement violent du tonnerre. Elle disait, « Alléluia ! Loué soit Dieu, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant règne, réjouissons-nous, exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. Voici, les noces de l'agneau sont venues, donnons-lui gloire. » Sa fiancée s'est préparée et il lui a été donné de s'habiller d'un lin pur éclatant. Ce lin représente les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. Au verset 9, l'ange me dit alors, écrit, heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Et il ajouta, ce sont là les paroles authentiques de Dieu. Tout ce qui se passe ici, des miracles, ces manifestations du Dieu Tout-Puissant qui nous visite si souvent, sont là pour préparer ce jour exceptionnel, ce jour où le Seigneur aimerait trouver une épouse sainte, pure, sans tache, glorieuse, vêtue du lin le plus fin, éclatante et pure. Nous préparons ce jour. C'est le jour du Seigneur, un jour tout à fait exceptionnel pour lequel même le ciel se réjouit. Le ciel est prêt à recevoir cette Église sainte. Sommes-nous prêts? Et on voit dans Apocalypse 11, le verset 3, il est dit que le Seigneur donnera du pouvoir à ses témoins parce que l'homme de Dieu, le prophète, le plus puissant du Seigneur, c'est non seulement Élie qui est revenu parmi nous, c'est encore Moïse. Comme Dieu parlait par voix à Moïse, le Dieu Tout-Puissant parle aussi par voix avec son serviteur. Dieu lui parle par voix et même ce prophète le plus puissant du Seigneur, est sans cesse emporté dans les lieux célestes. Sans cesse, le Dieu Tout-Puissant le prend dans sa salle du trône. Et même derrière cette salle du trône, il y a l'arbre de vie. Il y a la rivière de la vie. Et l'homme de Dieu voit la main dans une dernière prophétie. Il a vu la main du Dieu Tout-Puissant prendre de ses feuilles de l'arbre de vie pour les mettre dans sa main à lui, le prophète le plus puissant du Seigneur. Et Dieu, par voix, lui a dit, « Elles sont pour la guérison des nations. » Et il sait, lorsque nous avons eu le 28 juillet, c'est-à-dire il y a une dizaine de jours, nous avons eu un grand rassemblement où l'homme de Dieu a prêché. Et pendant qu'il prêchait, une nuée est descendue des cieux. Même deux rayons de lumière sont descendus parce qu'ils sont deux. Ils sont Moïse et Élie. Ils sont deux là sur terre. Ils sont les prophètes dont il est parlé dans Apocalypse 11. Ces deux témoins sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Vous pouvez le lire dans Apocalypse chapitre 11, verset 4. « Je confierai à mes deux témoins la mission de prophétiser. » Voilà ce que dit le Seigneur à leur propos au verset 3 d'Apocalypse chapitre 11. Le prophète le plus puissant du Seigneur a même reçu cette baguette, ce roseau, ce bâton à mesurer, cette baguette d'arpenteur pour mesurer. Mesurer l'adoration, mesurer le temple. Là, il s'agit du temple qui sera reconstruit pendant qu'il prêchait dans cette église de Nairobi, dans laquelle tous les fidèles de ce ministère de Nairobi, et même d'ailleurs, s'étaient regroupés. Une grande place était occupée sur un grand terrain ce 28 juillet 2019. Et pendant qu'il prêchait, une nuée sombre a recouvert la tente. Il y a eu le soleil qui a applaudi quand le prophète l'a demandé. Et ce n'est pas la première fois que le soleil applaudit quand l'homme de Dieu, le prophète le plus puissant du Seigneur, prêche. Plusieurs fois, nous avons vu cela le 11 mars, quand l'escalier céleste, l'escalier de l'éternité est descendu dans le ciel, là déjà, le soleil a applaudi. Nous avons même vu les témoins d'Apocalypse 11 descendre des cieux ce jour du 11 mars 2018. Cet escalier que l'homme de Dieu avait prophétisé l'année précédente, plus d'un an plus tôt, il l'a vu dans le ciel, il a vu l'Église qui avait été enlevé très rapidement, mais ensuite, les saints, même certains étaient avec leurs enfants, marchaient dans le ciel, ont passé devant l'homme de Dieu qui lui était dans les airs. Et ensuite, ils se sont dirigés vers l'escalier qui était à l'entrée des cieux dans la prophétie. Ils ont gravi cet escalier pour entrer dans les cieux. L'escalier glorieux du royaume de Dieu, que Dieu a descendu le 11 mars 2018. Il l'a descendu dans le ciel. À plusieurs reprises aussi, le feu est descendu du ciel. Comme lorsque Élie était au mont Carmel, il avait préparé un sacrifice pour l'Éternel. Et ensuite, il a demandé à Dieu de faire descendre le feu du ciel. Pendant toute la matinée, les prophètes de Baal avaient essayé de demander au feu de descendre, mais le feu n'est pas descendu, sauf lorsqu'Élie a demandé à son Dieu, le vrai Dieu, non pas des dieux de Baal, il lui a demandé de descendre et le feu a détruit, fondu les pierres. Lisons ensemble ce passage de 1 Roi 18, dès le verset 25. Je vous lis ce passage de 1 Roi 18, dès le verset 25. Élie dit au prophète des Baals, « Choisissez pour vous l'un des taureaux et offrez les premiers, car vous êtes nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, et ne mettez pas le feu. » Et ils prirent le taureau qu'on leur avait donné, et l'offrirent, et invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, disant, « Ô Baal, réponds-nous !» Mais il n'y eut pas de voix, ni personne qui répondit. Et ils sautaient autour de l'autel qu'on avait fait. Et il arriva qu'à midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix, car il est un Dieu, car il médite. » Ou il est allé à l'écart, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. » Et ils crièrent à haute voix et se firent des incisions, selon leur coutume, avec des épées et des piques, jusqu'à faire couler le sang sur eux. Et il arriva, quand midi fut passé, qu'ils prophétisèrent jusqu'à l'heure où l'on offre le gâteau. Et il n'y eut pas de voix, et personne qui répondit, et personne qui fit attention. Alors Élie dit à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Et tout le peuple s'approcha de lui. Et il répara l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Et Élie prit 12 pierres, selon le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles vint la parole de l'Éternel, disant, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec des pierres un autel au nom de l'Éternel et fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Et il arrangea le bois et dépeça le taureau et le plaça sur le bois. Et il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Et il dit, « Faites-le une seconde fois. » Et ils le firent une seconde fois. Et il dit, « Faites-le une troisième fois. » Et ils le firent une troisième fois. Et l'eau coula autour de l'autel. Et il remplit d'eau aussi le fossé. Et il arriva à l'heure où l'on offre le gâteau, qu'Élie, le prophète, s'approcha et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'il soit connu aujourd'hui que toi, tu es Dieu en Israël, et que moi, je suis ton serviteur, et que c'est par ta parole que j'ai fait toutes ces choses. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, et que ce peuple sache que toi, Éternel, tu es Dieu, et que tu as ramené leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste et le bois et les pierres et la poussière et lécha l'eau qui était dans le fossé. Et tout le peuple le vit et ils tombèrent sur leur face et dirent, « L'Éternel, c'est lui qui est Dieu. L'Éternel, c'est lui qui est Dieu. » C'est donc dans 1 Roi 18, les versets 25 à 39. Et l'homme de Dieu, le prophète le plus puissant du Seigneur, nous a souhaité la guérison avant que nous quittions ce lieu béni de Nairobi où l'homme de Dieu a prêché pendant plus de 4 heures, pendant près de 5 heures, plus de 5 heures même. Il nous a parlé du Dieu Tout-Puissant et pendant ce temps, tellement de signes se manifestaient dans le ciel, comme ce ray de lumière, ce feu qui descend, le soleil qui applaudit, les cris dans le ciel. Tout ça s'est manifesté pendant ce dimanche 28 juillet 2019. Et voilà ce jeune homme qui est guéri après 12 ans de maladie, après 12 ans de souffrance, après 12 ans où chaque jour il a pris des antidouleurs. Et non seulement ce jeune homme, dimanche le 4 août, quelqu'un de sourd a été guéri. Et une femme qui avait une infection à son utérus et qui avait de terribles pertes, elle devait même se changer pendant la nuit, elle est venue à l'église. Et même l'homme de Dieu l'avait vue pendant la nuit. Il l'avait vue entrer. Et il savait qu'au fond d'elle-même, elle pensait « Je suis sale, je suis impure » en entrant dans cette église. Elle est donc venue à l'église et après une demi-heure, elle a dû sortir pour se changer. Et ensuite, après 25 minutes, elle a dû sortir à nouveau pour se changer. Et plus tard, le Seigneur l'a touchée. Elle a senti la main de Dieu qui enlevait son infection. Cette femme a été merveilleusement guérie ce jour-là par la main du Dieu Tout-Puissant. Combien notre Dieu est grand, combien il est merveilleux d'être intervenu. Et nous savons que c'est à travers le ministère de son serviteur bien-aimé, les deux prophètes d'Apocalypse 11 et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Cette mission que ces deux témoins rempliront se passe après l'enlèvement de l'Église. Pendant ces 3 ans et demi, la tribulation après l'enlèvement de l'Église, ils auront une autre mission. Quand ils prient à la radio pour chasser la maladie, les malades guérissent. Un jeune homme entend leur voix sur son téléphone, sa tumeur énorme qui dure depuis 12 ans éclate et se déverse. Une femme entre dans l'église de ce ministère avec une perte qui l'a fait souffrir et qui sent mauvais. Même l'homme de Dieu la voit d'une manière prophétique avant que cela arrive. Et Dieu la touche. Elle sent la main de Dieu enlever son infection. L'énorme puissance de Dieu à travers ses serviteurs. Ils ont déjà un pouvoir si fort que la tumeur a éclaté par la force du pouvoir formidable. Tellement de feu, de pouvoir, une opération sans douleur. Il a senti un énorme fardeau de 100 kilos qui est sorti de lui. Il ne sent plus aucune douleur maintenant, ne prend plus de médicaments contre la douleur. Il est allé le dire à sa mère et tous les voisins ont pu s'apercevoir que cette énorme tumeur, grosse comme une grosse mangue, n'est plus là. Elle était dure comme une pierre. Elle a éclaté et un liquide brunâtre et épais s'est répandu sur sa chemise. Il n'a rien senti. Seulement, quand il a touché sa tête, la tumeur cancéreuse n'était plus là, n'était plus qu'un morceau de peau. La tumeur dure comme une pierre et énorme comme une grosse mangue. Cette tumeur cancéreuse qui le faisait souffrir depuis 12 ans n'est plus là. Son contenu est répandu par terre et sur sa chemise pendant qu'il l'écoutait sur son téléphone, appliqué sur son oreille, tout près de cette énorme tumeur. Il écoutait les deux prophètes les plus puissants qui annonçait que le Seigneur avait conduit pour que le service de guérison qui était prévu ait lieu les 16, 17 et 18 août, dans quelques jours, une dizaine de jours. Peut-être que vous qui écoutez êtes intéressés, et même si vous ne l'êtes pas, qui est-ce qui vous empêche? Qui est-ce qui vous empêche de tout laisser et de venir participer à ce méga, méga rassemblement tout à fait extraordinaire dans lequel Dieu a promis une grande onction à propos de l'extraordinaire, du plus historique, grand, méga service de guérison, super formidable, du plus glorieux et super glorieux et historique qui vient à Nakuru. Ce sera Menangai 3. Le Dieu Tout-Puissant des cieux, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, a pris les deux prophètes de Yahvé, les méga-prophètes d'Israël, les anciens prophètes qui sont revenus à la vie et qui marchent sur cette planète. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, les a pris dans sa salle du trône. Il les a pris à l'intérieur des cieux où le Seigneur Yahvé a son habitation et son trône. L'homme de Dieu, le prophète le plus puissant du Seigneur, a été avec le Seigneur derrière la salle du trône où est la rivière de la vie. Et ensuite, la main du Seigneur s'est étendue et il a cueilli les feuilles de l'arbre de vie. Très bien au courant que le service de guérison du Seigneur, son service de guérison, vient à Menengai 3, à Nakuru. Ça va être le plus grand méga tsunami que jamais, depuis que l'Église a été créée. Ça va être le plus grand. Des infirmes s'élèveront de toutes directions. Ça étonnera les gens. Les gens seront choqués. Certains s'écrouleront au choc lors de la visitation. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant a pris l'homme de Dieu, son serviteur, dans sa salle du trône. Et ensuite, derrière sa salle du trône, et ensuite, quand il l'a pris là-bas, le Dieu Tout-Puissant a étendu sa main et il a cueilli des feuilles de l'arbre de vie et les a mises dans la main de l'homme de Dieu, le prophète le plus puissant. Le Dieu Tout-Puissant a pris les feuilles derrière le trône. Jéhovah lui-même a placé les feuilles dans la main du prophète le plus puissant. Et le Père, le Dieu Tout-Puissant, a dit « Elles sont pour la guérison des nations ». Et ensuite Dieu a encore dit « Pour la préparation du chemin ». Pour la venue du Messie, comme chaque fois le Dieu Tout-Puissant a ramené son prophète, son meilleur ami, il l'a ramené sur terre et il lui a fait voir les deux prophètes les plus puissants en train de remplir leur ministère pendant ce rassemblement. Le prophète le plus puissant nous a dit, ça va être l'onction la plus haute jamais envoyée à l'Église. Et il nous dit encore que ça nous parle tellement de cette proximité de la venue du Messie. Le Messie approche. Cette onction est pour préparer le chemin. Une église sainte, un chemin oint. Une glorieuse église ointe. Une église juste. Pour la glorieuse venue du roi Amalek en hébreu. Le prophète le plus puissant nous annonce que ça va être l'onction la plus fraîche qui ait jamais frappé la maison du Seigneur. Il dit que ça va être une onction choquante et historique. Le verset 9 d'Agée chapitre 2, il dit « La dernière gloire de cette maison sera plus grande que la première, dit le Seigneur des armées. Et dans ce lieu je donnerai la paix, dit le Seigneur des armées. Et à ses saints, il ne les laissera pas retourner à la folie. » Parlant de cette heure, de cette onction, de ce pouvoir, de cette gloire qui descend sur terre maintenant, cette conversation, cette connexion entre Dieu, haut dans les cieux, à son trône, et l'Église, la terre, ici en bas sur terre. Psaume 85, peuple bien-aimé. Et il va plus loin pour dire, « J'écouterai ce que Dieu, le Seigneur, dira, car il parlera certainement de paix à son peuple » et à ses saints. Je pense que vous devriez laisser tout et venir participer à ce moment merveilleux du Seigneur. Le Seigneur revient. Adorons-le. Je veux élever ma voix, je veux chanter. Digne est l'agneau. À mon Dieu, mon Sauveur, mon Seigneur et mon Roi. Digne est l'agneau. Tous les anges l'adorent et se prosternent pour chanter. T'adorons et chantons. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau de recevoir. Louange. Louange, honneur et majesté. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Car il nous a rachetés. Digne l'agneau de recevoir louange, louange, honneur et majesté. Digne l'agneau, car il veux élever ma voix, je veux chanter. Sauveur, mon Seigneur et mon roi. Digne est l'agneau. Tous les anges l'adorent et se prosternent pour chanter. Digne est l'agneau. Nous, tes fils et tes filles, nous t'adorons et crions. Précieux auditeurs, vous avez entendu tout ce que le Seigneur a fait, l'onction si grande. C'est vraiment important que vous vous déplaciez, que vous y participiez. Venez vivre avec nous ces moments merveilleux. Si quelqu'un parmi vous veut donner sa vie au Seigneur, vous pouvez répéter avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je voudrais que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur pour l'éternité. Aujourd'hui, je passe de la vie à la mort. Surtout, c'est important que vous obéissiez. D'abord, en prenant le baptême, en choisissant d'être baptisé entièrement dans l'eau, pour ressortir quelqu'un de nouveau en Christ. Je vous rappelle l'adresse du site internet que vous pouvez consulter, qui vous parlera de ce ministère. C'est repente et prépare le chemin.org. repentetprepare.org. Je m'appelle Pasteur Yvonne Auguet et je vous remercie d'avoir écouté ce programme. Si Dieu le permet, nous pourrons le diffuser chaque jour à 1h du matin, heure d'Afrique de l'Est. Jésus, je t'aime. Reçois les pleurs que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su. les pensées de mon cœur dans le